ne se compare pas à d'autres hommes. Parce que lorsqu'ils se comparent à d'autres hommes, ils ajoutent dans leur mémoire la mémoire des autres. Et ça, c'est terrible. Déjà, l'homme a suffisamment de problèmes avec sa propre mémoire. Imaginez-vous absorber la mémoire des autres. C'est pour ça que les gens qui se laissent influencer par un homme, deux hommes, trois hommes, quatre hommes, une société, une civilisation, un groupe, quelque chose, absorbent la mémoire et ils perdent leur individualité. C'est pourquoi je reviens toujours à la charge contre l'influence. Parce que c'est le plus grand danger de l'homme, pour et contre l'homme. Et si vous saviez jusqu'à quel point c'est terrible, vous seriez abasourdi. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas être heureux. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas vivre leur vie. Parce qu'ils ont perdu le droit à leur propre vie parce qu'ils ont donné à l'humanité le droit d'impression de sa mémoire dans la leur, de sorte qu'ils ont perdu leur propre intelligence et leur propre volonté. Et lorsque l'homme retourne à l'âme et que l'âme doit détruire cette mémoire par le biais de l'expérience, effectivement, l'homme souffre, c'est normal. S'il refuse de souffrir, c'est parce qu'il n'a pas la force, alors il va à côté. Mais celui qui a la force, regardez vos pensées et vous verrez que vos pensées, tant qu'elles ne sont pas ajustées, contiennent de l'émotion. Et c'est par l'émotion dans la pensée que vous vibrez et que vous êtes soit heureux ou triste. Mais cette émotion dans vos pensées vient d'où? Elle vient de l'expérience de vos pensées. C'est l'expérience de vos pensées qui est l'expérience de la mémoire, qui vous ramène dans le présent à une pensée qui contient la vibration contenant la mémoire de l'expérience, pleine ou vide, bonne ou mauvaise. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que l'homme doit savoir qu'il n'y a aucune force dans le cosmos qui puisse empêcher un homme de développer l'intelligence et la volonté s'il sait quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle, pour que les gens sachent quelque chose. Dès que les gens savent quelque chose, ils ne peuvent plus perdre le pouvoir de développer l'intelligence et la volonté, bien qu'ils doivent, avec le temps, en vivre les aspects. Parce que lorsque l'on sait quelque chose, on ne se sert plus de notre mémoire et automatiquement, il se crée dans notre mémoire un trou. Et ce trou s'agrandit, et éventuellement la mémoire disparaît, la souffrance disparaît. Quand vous dormez, vous ne souffrez pas, parce que vous ne vous servez pas de votre mémoire. Mais quand vous vous réveillez, vous souffrez de votre rêve, parce que vous avez la mémoire. Quand vous dormez et que vous avez des rêves difficiles, vous ne souffrez pas, vous vivez la crainte, la tension de la crainte. Mais lorsque vous vous réveillez, vous souffrez de la mémoire. Et la souffrance de l'homme est mémoire. Un homme qui n'a pas de mémoire ne peut pas souffrir. De là l'importance de comprendre que plus on avance dans l'évolution, plus on doit comprendre la nature de nos pensées et plus on doit tuer dans nos pensées le spectre de l'émotion qui vient de la mémoire de l'homme. C'est pour ça que je dis, que je donne comme indice, lorsque vous pensez quelque chose qui vous crée un trouble, soulevez-vous au-dessus de la pensée. Automatiquement, vous vous mettez dans l'énergie de l'âme et vous diminuez votre chance de souffrir au niveau émotionnel. Et si vous n'êtes pas capable d'arrêter le flot de pensée, vous êtes capable tout de même de vous mettre au-dessus. Il y a une nuance. On peut très bien avoir toutes sortes de bouleversements dans le mental, toutes sortes de pensées, de niaiseries. Mais on peut aussi être au-dessus d'eux parce que l'homme est âme. L'homme n'est pas égaux. L'homme pense qu'il est égaux. L'homme n'est pas égaux. L'homme est âme. Manifesté sur un plan avec des véhicules pour fonctionner. Mais l'homme est âme. L'homme n'est pas égaux. Et un jour, vous comprendrez ce que je dis lorsque je dis que l'homme conscient ne sent pas son égo. Il ne sent pas son égo parce qu'il n'est pas égaux. Il est âme. Il est esprit. Mais il sent son égo tant qu'il est dans la mémoire de l'égo. Un autre volet pour certaines personnes. Lorsque l'homme reçoit de l'information psychique, lorsque l'homme reçoit de l'information, il doit savoir que chaque fois que l'homme reçoit de l'information, il reçoit de l'information de par sa mémoire. L'information qu'il reçoit ne fait pas partie de l'âme. Parce qu'un homme qui est dans l'âme ne reçoit aucune information pour faire quoi que ce soit. Nuance très importante. Je vous l'explique graphiquement. Lorsque vous allez à la toilette, vous ne recevez pas de l'information. Vous allez à la toilette. Lorsque vous mangez, vous ne recevez pas de l'information. Vous mangez. Lorsque l'homme crée, lorsque l'homme vit, lorsque l'homme se déplace, lorsque l'homme fait des choses, il ne reçoit pas d'informations. Il fait. Et s'il reçoit la moindre information, il est dans la mémoire. Et la mémoire le fera souffrir. Elle vit à tous les intéressés. Et tout le monde est intéressé. Ça, c'est un des plus grands mystère de l'homme. Dès que l'homme reçoit de l'information, surtout quand il s'est éveillé à ce que j'appelle le contact, il entreprend de changer, de se transformer. Mais à un certain point, il doit savoir que l'homme ne doit jamais être informé pour faire quelque chose. Ce que je dis aujourd'hui, je le dis comme je le dis, plus tard je le développerai. Parce que la façon dont je le dis fera ce que ça doit faire. mais avec le temps, je le développerai. Mais je dois suivre les étapes de l'intelligence. L'homme qui fait quelque chose n'a jamais à être informé. C'est pour ça que je dis le psychisme, c'est anti-homme. Mais par contre, le psychisme engendre dans l'homme la conscience. Et un jour, l'homme doit tuer la conscience du psychisme. Et autant aujourd'hui, vous entrez dans la conscience, qui est une forme psychique de l'homme, une forme de la pensée dans l'homme, une manifestation de la mémoire dans l'homme, autant un jour vous détruirez le psychisme dans l'homme, autrement dit, un jour vous devrez détruire la conscience. Mais vous ne pouvez pas comprendre ceci aujourd'hui. Je vous le dis pour demain, mais je l'aurais dit pour la mémoire. Vous savez, quand on va dans une bonne école, on a des profs qui nous poussent dans le dos. Et je devrais toujours vous pousser dans le dos parce que, en vous poussant dans le dos, je vous amène à découvrir ce qui ne se découvre pas par la mémoire. Autant le matériel encapsule l'homme dans son ego, autant le spirituel encapsule l'homme dans son esprit, autant la conscience encapsule l'homme dans sa mémoire, autant la destruction de la conscience élève l'homme dans sa vibration. Et sa vibration, c'est la vibration de l'âme, et c'est tout ce que l'homme a de besoin. Parce que lorsque l'homme est dans la vibration de l'âme, il est dans la vibration de l'énergie qui devient lumière en manifestation. L'homme ne doit jamais s'occuper de la lumière. L'homme doit tourner son dos à la lumière pour ne vivre que de l'énergie qui la soutient dans sa forme. C'est pour ça que ceux qui sont dans le monde et qui savent parfaitement ont vécu l'initiation qui les a amenés au cours de l'évolution à être et à vivre la grande solitude. La grande solitude étant cette expérience de l'homme, de l'ego, de l'âme, qui permet à l'ego de se retourner complètement contre la lumière. Et lorsque l'ego peut se retourner contre la lumière qui est très attrayante, il a finalement détruit en lui le temps. Et lorsque l'ego a détruit le temps, il est dans l'âme, parce que l'âme est en dehors du temps. Et le temps est la structure de la mémoire. C'est pour ça que l'homme ne peut pas voyager dans le temps, parce que l'homme est prisonnier de la mémoire. Mais autant il est facile à l'homme de voyager dans le temps, de se déplacer dans le temps, autant il est difficile à lui de le faire. Parce que le temps, c'est la mémoire. C'est pour ça que je dis, d'ailleurs, c'est ce qui amène l'homme à chercher à comprendre l'origine de l'univers, la cause. Pourquoi? Parce que l'homme veut toujours aller en arrière dans sa mémoire. Mais l'homme ne peut pas aller dans la mémoire, dans sa mémoire et retrouver l'origine de l'univers parce que l'homme n'est pas suffisamment libre. Mais si l'homme était libre, il sortirait de sa mémoire personnelle et il pourrait retourner dans le temps et voir et connaître et comprendre l'origine de l'univers. Alors ceci devient pour lui un fardeau psychologique, un fardeau philosophique qui sert à meubler son esprit. C'est pour ça que je dis souvent, il n'a rien à comprendre. Parce que comprendre veut dire reconquérir la mémoire. Plus on comprend, plus on a de mémoire. On dit d'un homme qu'il est savant parce qu'il a beaucoup de mémoire. On dit d'un simple fermier qu'il est simple parce qu'il a moins de mémoire. Mais le simple fermier est plus près de l'âme que le grand cerveau parce qu'il a moins de mémoire. C'est pour ça qu'on dit dans les textes « heureux les creux ». Autrement dit, heureux ceux qui ont peu de mémoire. Et il y a une relation directe et parfaite entre le développement de la volonté et le développement de l'intelligence et la destruction de la mémoire dans l'homme par le biais de la destruction de la pensée subjective. La pensée subjective est comme de la statique. Elle accumule constamment des particules de statique. La destruction de cette pensée subjective libère automatiquement le mental de l'homme, active les neurones de l'homme et lui permet éventuellement de siéger parmi les immortels. Mais dès que l'homme vibre dans sa mémoire, regardez. Si l'on parle des immortels, si on dit demain l'homme devra être immortel, automatiquement il y a en soi le mécanisme de la mémoire qui entre en jeu, qui fait que l'on se demande si c'est possible pour soi, qui fait qu'on se demande si soi-même on va y parvenir. Mais il n'y a aucun d'entre vous, presque, qui puisse avec certitude dire « Moi, je suis immortel ». Parce que si vous vous dites dans votre tête « Moi, je suis immortel », vous verrez qu'il y a en vous une mémoire qui fera vibrer votre mental et votre émotionnel et qui vous fera poser devant l'esprit un point d'interrogation. Vous douterez de ce que vous dites. Vous n'aurez pas la certitude parfaite. Vous ne serez pas sûr d'être sûr. C'est puissant, la mémoire. Et étant puissante telle qu'elle est, elle empêche avec grande facilité l'homme de devenir immortel. Vient un stage dans l'évolution de l'homme, dans l'évolution de l'intelligence de l'homme et de sa volonté, où il doit pouvoir renoncer tout ce qu'il est. Et je ne dis pas renoncer ce qu'il est dans le sens qu'il le pense. Je dis renoncer ce qu'il est dans le sens qu'il ne le pense pas. Et qu'il le découvre au fur et à mesure qu'il avance. C'est dans le mouvement vers l'immortalité que l'homme renonce ce qu'il est. Ce n'est pas dans l'attitude psychologique ou philosophique ou spirituelle qu'il renonce ce qu'il est, parce qu'on ne peut pas renoncer ce que l'on n'est pas. Et ce que l'on n'est pas, c'est le réel en soi. je fais l'inversion des termes pour créer une inversion dans la mémoire. Dans votre mémoire. Pour que vous puissiez réaliser avec le temps que tout ce que je vous dis est important. Non pas par les mots, mais par la vibration. Lorsque je pourrai vous parler et que vous n'aurez pas à pouvoir comprendre ce que je vous dis, lorsque je vous parlerai et que vous ne pourrez pas comprendre ce que je vous dis, lorsque vous parlerez et que vous ne ferez qu'absorber ce que je vous dis, vous serez en dehors petit à petit de votre mémoire. Parce que ce que je vous dis n'a pas de sens. Puisque ce que je vous dis est réel, il n'a pas de sens. C'est seulement dans la mémoire que les choses ont du sens. Et lorsque les choses ont du sens, elles sont automatiquement polarisées et automatiquement servent à créer dans votre esprit une mémoire. Je suis parfaitement consistant dans l'irraisonnable. Je suis parfaitement consistant dans l'irraisonnable. Et c'est avec l'irraisonnable que je peux amener vos esprits à détruire la mémoire. C'est pour ça que je n'aime pas parler des choses trop, parce que vous développez de la mémoire. Hein, monsieur Manzano? Et la mémoire, c'est pas bon? Ceux qui viennent dans les conférences ou qui me rencontrent et qui me disent, ou qui disent, c'est pas aussi intéressant ce fois-ci que l'autre fois. C'est de la mémoire. Et je ferai exprès même pour descendre la vibration à un point tel qu'ils seront totalement écœurés, ils sortiront. Pour détruire la mémoire. Parce qu'un homme qui est en dehors de la mémoire et qui parle avec un homme qui est en dehors de la mémoire se comprennent parfaitement. Parce qu'ils n'ont rien à comprendre. Parce qu'ils comprennent. Et déjà, les gens commencent à comprendre ce que je veux dire. La mémoire est une faculté qui combat l'esprit de l'homme parce que la mémoire est une faculté qui instruit l'homme dans le passé. Instruisant l'homme dans le passé, elle ne peut pas donner à l'homme la condition parfaite de l'équilibre entre son esprit majeur et son esprit mineur, parce que l'homme possède deux esprits. Il possède l'esprit majeur qui est celui de l'âme en lui, il possède l'esprit mineur qui est l'ego évolué en lui, et l'esprit majeur et l'esprit mineur éventuellement doivent former un lien total. Et ce n'est que lorsque l'esprit mineur et l'esprit majeur sont réunis que l'homme a perdu la faculté de comprendre et qu'il a la faculté de tout comprendre. Il a perdu la faculté de comprendre parce qu'il a perdu la mémoire, mais il a gagné la faculté de comprendre parce qu'il peut parler de tout ce qu'il sait. Mais en parlant de tout ce qu'il sait, il n'a pas besoin de ce qu'il sait puisqu'il n'a plus de mémoire. Et c'est le fait qu'il peut parler tout ce qu'il sait, qu'il peut donner à l'homme de l'information qui l'amène au même stage que lui. Il faut que les hommes montent ensemble. Mais si un homme donne à un autre homme du matériel qui lui sert de mémoire, il sera toujours supérieur à lui. Regardez à l'université les profs et les élèves. Mais si un homme détruit dans un autre homme la mémoire, ils seront tous les deux en élévation vers l'âme. C'est subtil, l'instruction de l'homme. Et ce n'est pas de la connaissance. L'instruction de l'homme, c'est la parfaite réorganisation de son esprit. C'est la parfaite réorganisation de son esprit. Et c'est la manipulation vibratoire consciente de l'énergie de son ego pour amener son ego à réaliser sans pouvoir le comprendre qu'il est en évolution. Il est là le pouvoir de la parole, et les hommes ont le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole, c'est un pouvoir qui fait partie de l'intelligence. Mais le pouvoir de la parole ne doit pas être déchu par la volonté de l'homme. Un homme qui est dans sa volonté automatiquement va perdre le pouvoir de la parole parce qu'il va se rappeler à l'intérieur de la parole autre chose qu'il avait dit auparavant et qui ne coïncidait pas avec ce qu'il dit aujourd'hui, créant ainsi dans son esprit une contradiction et son émotion se servira de la contradiction, contradiction pour bloquer son mental, ce qui fermera la porte sur son savoir. Et l'homme se demanderait la question, il ne sera pas sûr s'il a raison. Et un homme qui n'est pas sûr s'il a raison n'est pas sûr de lui-même. Et s'il n'est pas sûr de lui-même, il n'a pas sûr d'avoir raison. Et s'il n'a pas sûr d'avoir raison, il n'a pas sûr d'être sûr. Et s'il n'est pas sûr d'être sûr, il ne peut pas être dans l'intelligence. Il est à côté de l'intelligence. Il est dans la mémoire. La consistance de l'esprit universel dans l'homme est parfaite. Et la contradiction de l'esprit universel dans l'homme est aussi parfaite. Parce que l'esprit universel dans l'homme peut se servir de la contradiction pour détruire la mémoire. Et un homme qui n'est pas capable de vivre dans la contradiction n'est pas capable de voir les deux aspects de l'opposé de la contradiction, le négatif et le positif, et ne peut pas comprendre le bon et le mauvais de tout ce qui est expliqué à lui. Et s'il ne peut pas comprendre le côté positif et négatif de ce qui lui est expliqué, comment voulez-vous qu'il comprenne ce qui n'est pas compréhensible? Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a intérêt entre les hommes de s'écouter parler et de ne pas chercher à comprendre ce que l'on se dit, mais de simplement absorber ce qui est intelligent. De sorte que deux personnes qui se rencontrent, si elles se disent quelque chose d'intelligent, c'est tout ce qui compte, le reste est sans importance. Avec le temps, l'intelligence se développe et plus ils parlent, plus ils disent des choses qui sont intelligentes et plus éventuellement ils sont du même esprit. Mais si deux hommes se taquinent, et si deux hommes se lancent la balle, ils ne pourront jamais entrer dans leur intelligence parce que leur mémoire leur suffira. Et c'est de leur mémoire qu'ils vivront l'intelligence. Et si l'on vit notre intelligence de notre mémoire, on vit d'illusion. Alors quand vous vous rencontrez et que vous vous parlez, organisez-vous donc pour vous parler sans vous comprendre. Et à ce moment-là, vous commencerez à vous parler d'une façon compréhensible. Parce que tout est vibratoire. Lorsque quelqu'un me dit quelque chose qui est ceci, qui est cela, je le comprends. Beaucoup de personnes me parlent et je le comprends. Je ne comprends pas parce que je suis intelligent. Je comprends parce que c'est ça, c'est cela. Ce qu'ils me disent, c'est cela. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Souvent, je dis, qu'est-ce que vous voulez que je me dise? C'est ça. Mais si je comprenais parce que je suis intelligent, je comprendrais par ma mémoire et automatiquement, je chercherais des contre-arguments. Parce que la mémoire veut toujours se dédoubler. La mémoire veut se dédoubler parce qu'elle n'appartient pas à l'âme. Elle veut se dédoubler parce qu'elle est contaminée par d'autres égos. Elle veut se dédoubler parce qu'elle veut devenir maîtresse d'elle-même. Elle veut se dédoubler parce que l'ego, à cause de son mental qui n'est pas fusionné, veut chercher à comprendre tout. Elle veut se dédoubler parce qu'elle cherche toujours à se croire fondamentale. Et pourtant, la mémoire n'est jamais fondamentale, puisque tout change. Mais ce n'est pas vrai que tout change. Tout semble changer parce que l'on pense. Lorsque l'on ne pense plus, rien ne change, tout se transforme. Et il y a une différence fondamentale entre la transformation et le changement. Le changement est sûrement simplement psychologique et lié à la valeur, à la forme, tandis que la transformation est directement liée à l'appauvrissement d'une énergie pour contre l'accroissement d'une autre. D'ailleurs, c'est ce qui amène la destruction et l'érection d'une nouvelle civilisation. À l'intérieur d'une civilisation, il y a du changement. Et à la fin d'une civilisation, il y a une transformation. Lequel des deux est le plus important? La transformation. Einstein a essayé de découvrir, de développer le principe de la relativité relativité. Et il s'est servi de sa mémoire pour entreprendre le vaste voyage de son esprit dans la compréhension des relations psychologiques entre la conscience subjective du mouvement et l'interprétation réelle et factorielle de la vélocité. Et il s'est trompé parce qu'il n'a pas pu condenser dans son esprit la particularité de la lumière. S'il avait pu voir, connaître la particularité de la lumière, il n'aurait jamais essayé d'interpréter ou de développer un système unifié pour l'univers. Mais ceci fait partie du jeu de l'esprit dans l'homme, fait partie de l'évolution de l'intelligence de l'homme, fait partie de l'évolution de la mémoire de l'homme, ce qui a amené évidemment la construction de la bombe atomique. Mais si la science savait que la mémoire ne se déplace pas en ligne droite, mais qu'elle fait une courbe, les positions de la science ne pourraient plus aujourd'hui valoriser ce qui, dans le passé, a servi à la construction des télescopes gigantesques que nous possédons aujourd'hui, et l'homme pourrait facilement construire de nouveaux télescopes pour voir l'univers en entier, en suivant simplement le trajet de la lumière dans le cosmos, au lieu de se servir d'un point d'observation à plusieurs étages. Mais ça fait partie de l'évolution de la science. Ça n'empêche pas que Einstein était un grand bonhomme, un des grands. Mais ça fait partie de l'évolution de la mémoire. C'est pour ça que la science de l'homme ne sera jamais grande tant que l'homme sera dans la mémoire et se servira de la mémoire. Et comme tout commence au stade de l'individu, au stade de l'homme, au stade de l'âme, il est temps que l'homme entre en relation avec l'âme s'il veut avoir une science parfaite. Etc., etc., etc. Les hommes ont soif. Pourtant, il y a en eux beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. C'est pour ça que les hommes ont soif, parce qu'ils ne le savent pas. Et lorsqu'on leur dit de creuser un puits en eux-mêmes, ils ont crainte. Ils ont peur de la drille. Ils préfèrent creuser sur le terrain d'un autre. Ça fait moins mal. En tout cas, wherever we're going somewhere. Et là, ça va au Pérou, puis nous autres, on reste là. Mais ça ne change rien, parce qu'on ne s'en va pas nulle part. On apporte toujours notre tête avec nous autres. Fait que même si on part en voyage, on déplace la matière, mais l'esprit demeure fixe. Il ne faut jamais oublier ça. The champagne might be better in another land, but the drunkenness is the same. J'aime de plus en plus vous parler parce que j'ai de plus en plus de facilité à vous parler. J'ai de plus en plus de facilité parce que vibratoirement, on me laisse de plus en plus la chance. Et si on me laisse la chance de parler, je parlerai. On a tellement de choses à connaître. Parce que le mouvement de l'évolution est un mouvement totalement en arrière, dans une direction totalement opposée. Et lorsque l'on commence à faire marche arrière, on commence à avancer. T'as essayé, là?